Ja, serrez la MS. Chirac, je niquerai tout tant que je serai sous ton règne. Rap illégal, catalogue ça dans l'économie souterraine. Pour ma banlieue sud, je représente comme il faut. Pour mes scraps, ma mif, charge. Le van de l'on rit pour les faux. Rien à battre, rien de ma patte. Faut que je rappe le bif, je suis pas de charité. Mon rap illégal, illégal, calme, t'es la meilleure calme. Illégal, je coûte trop de balles quand je suis sur le commercial. Crucial, bestial, tant pis même si ta grand-mère. Illégal, mes réglos, t'inquiète, y'aura pas d'assaut trahi. Pouka, vas-y, dégage, déménage en Australie. Illégal, spécimen, c'est recherché que même les stars s'y mettent. Je dessine ces stars s'y mettent. Prends mes insultes au pied de la lettre. Illégal, wesh, petit, les gars, ça m'est égal. Rap antifique, on lit tous ici. Enchanté que par l'espèce, chante pour les masses, pas pour les miss. Je lâche pas l'affaire, t'aspect, montre-moi tes talents, chien illégal, hein. Le maïs, je fais pas de câlin, pas de bagarre, acte 1, direction Paname, si c'est dead, fais péter ce son à Bagdad. Fais péter ce son à Bagdad, rap illégal, j'coute trop de balles. Rap illégal, t'es con, t'es gâte, t'es con, t'es balle, t'es bombe, t'es balle, rime en rafale. Rap illégal, un son qui tue, un son qui pue, la ruelle, les ruelles, les ruelles. Rap illégal. Illégal comme ma cam, comme l'État acclame. Les victimes laissées sur le macadam, on en est clamé. Dis-toi que l'argent je vais le prendre sans le réclamer. Illégal, pas pire que les procédés de l'armée. Si l'État veut te la mettre, t'inquiète, t'es clamé. Matière illégale, dans la rue on pète le score. T'es stock, ton stock, un peu secoué mon escorte. Je lègue à méga, mon art, un flou kamehameha. Aussi dangereux qu'un kamehameha. Tellement rare, je dis qu'il est ragot et les rares. C'est pour mes roches qui feraient devenir leur héros. Ils les faire entrer dans ce showbiz pour fournir 6 enculés d'héroïne. Je me fous de la rime, je nique ta rhum, illégal, c'est leur rhum. Y'a quoi là? Passe-moi le collage, spécialiste du freestyle, c'est quoi là? Pareil pour le décollage, les plaquettes camouflées sous bombardier. Tu crois que je suis largué, normal, je suis là pour bombarder. Donnez-moi un peu de clarté dans ce business bâtard. Chris Mania, attrape ça. Rap tour au noir, rap ça, c'est parti pour le bal. Rap illégal, t'es con, t'es gâte, t'es con, t'es balle, t'es bombe, t'es balle, rime en rafale. Rap illégal, un son qui tue, un son qui pue, la rue et les ruelles. Rap illégal, ha, qui sait? Toi sur la gâchette, chef, on m'achète pas. Genre de l'ombre enchaîne, car pas de blabla, moi seulement achète pas. Illégal concept, OMIC, nique la BA, c'est qu'est-ce que tu dis de ça quand j'aide ça? Alors qui sert, ça fait sa mère ou pas? Pas de saco, je balance des freestyles chacal. Même à la rage, faut que ça colle, bref. J'fuck ça quoi, j'veux m'adapter à l'or. Mais faut MC monter en l'air avant que ces PD m'implorent. Fonce dans la censure et alors, illégal district. Aurait dit de ma street, retranscrit un style district. Illégal mouvement, y'a que les bonhommes pour le mouvementer. Là, ils sont méga, ils sont paillassons pour que tu leur ouvres l'entrée. Tu leur ouvres l'entrée. La MS. Rap illégal. Bla bla. J'rapatrie mes troupes, regroupe tous mes soldats. On encule ta patrie, Marianne prévient Nicolas. Qu'on soit au pass ou cola, Paname tu vas cramer. On commet des crimes mais y'a plus d'abord dans le coma. 100% ghetto, fuck David Guetta. Prends des coups de béton si tu travailles pour l'État. Ça sent le poulet crier, je veux les entendre crier. La crosse de mon arme, c'est pas pour un que je l'ai fait briller. Illégal, peura, le sou qui fait peura. Ce capite dans le 16, on vous baisse, bande de rats.